Chapitre 3e. La vie s'offrait désormais à Éléanore sous un nouvel aspect, vie splendide au dehors, pleine au dedans d'aspérité et de misère cachée. Haï sans l'avoir mérité, poursuivie au sein d'un luxe qu'elle devait à autrui, par la conscience de sa pauvreté que tout lui rappelait et qui lui avait été reprochée, entourée de nombreux serviteurs et plus dépendante qu'aucun d'eux, elle fut contrainte, pour ne pas succomber à ses ennuis, de se replier en elle-même, de s'absorber dans les soins qu'exigeait et la faible santé de Lady Raymond et l'éducation des deux enfants jumeaux qu'elle donna, dès la première année de leur mariage, au maître orgueilleux, impatient, irascible, dont elle avait accepté le joug. Ces deux enfants, nés à la même heure, grandirent dans des conditions différentes. Frédéric, le dernier venu, avait pour lui la fraîcheur, la force, la vivacité. Cléphane, au contraire, était doux, maladif, mélancolique. On devine lequel des deux était le favori de leur mère, attentive à réparer l'injustice apparente de la nature. Sir Stephen, en revanche, préférait Frédéric, sa malice, sa gaieté, jusqu'à ses révoltes précoces. À côté du berceau où dormaient côte à côte ces deux anges gardiens, Éléanore, plus d'une fois, se rappela le singulier tableau d'un artiste portugais, Siqueira, qui, sur la même toile, voulant représenter l'enfer et le paradis, a étendu sous les pieds des élus, comme un doux tapis de fleurs fraîchement écloses, un lit de figures enfantines. Elle trouvait, dans la contemplation de ces deux souriants chérubins, la force nécessaire à tous ses chagrins, une compensation à toutes les souffrances qu'elle étouffait secrètement. Par eux, elle vivait dans l'avenir, non dans le présent stérile, non dans le passé rempli de souvenirs accablants. Ce fantôme, dont sa mémoire était hantée, l'image de David Stewart expiant par une mort terrible, des torts qu'elle eût si aisément pardonnés, s'effaçaient peu à peu, et le regret cédait la place aux espérances. À Londres, cependant, plutôt qu'à Penryn Castle, plutôt que dans cette orgueilleuse demeure féodale enfouie parmi les sapins, Éléanore se sentait vivre. Non qu'elle aimât le monde, ou prît grand intérêt aux préoccupations politiques de ceux qui l'entouraient. Mais s'il lui était indifférent d'apprendre que le duc de Lanark était arrivé au ministère, ou même que par son crédit, Godfrey Marsden, toujours irréprochable, toujours grondeur et mécontent, venait d'obtenir une commission, elle se retrouvait avec une véritable joie auprès de Lady Margaret, sa plus véritable amie. Puis, à Londres, s'il faut tout dire, elle n'était pas aux prises avec un odieux soupçon que jamais elle n'avait voulu éclaircir et qu'elle repoussait au contraire de sa pensée comme une aspiration de l'esprit du mal. En arrivant pour la première fois à Penryn Castle, elle y avait trouvé, déjà installée dans la lodge qui fermait la principale avenue, une jeune et belle femme avec un enfant en bas âge. Bridget Owen, c'était le nom de cette personne, était, selon Sir Stephen, la femme d'un de ses tenanciers, condamné à la transportation pour vol de bestiaux, et qu'il avait fait venir du pays de Galles, où il possédait aussi d'assez vastes domaines pour la soustraire aux humiliations injustes dont elle y aurait été abreuvée. Cette histoire fort plausible avait tout d'abord intéressé Lady Penryn, mais il y était reçu avec une déférence contrainte, une indicible froideur, et n'obtenait jamais que des réponses empreintes d'une farouche ironie. L'enfant de Bridget Owen semblait d'ailleurs dressé par sa mère à repousser l'intérêt qu'Éléanore lui aurait si volontiers témoigné. Vif, alerte, assuré, jamais il n'avait pour elle un sourire, jamais une réponse. Bref, sa mère et lui décourageaient la pitié de leur excellente maîtresse, pitié ressentie comme un outrage. Or, à mesure que l'enfant grandissait, à mesure que ses traits prenaient plus de caractère et ses yeux noirs une expression plus marquée, une ressemblance fatale accusait plus nettement son origine équivoque. Il lui fallut sur les yeux d'Éléanore un bandeau bien épais, pour qu'elle ne retrouvât pas quelque chose de la physionomie de ses propres enfants dans celle du fils de Bridget. La première fois où elle constata cette étrange similitude, un froid mortel l'atteignit au cœur, et lui sembla qu'une insulte nouvelle venait de la frapper. Elle la subit sans une plainte et ne voulut ni rien croire, ni songer à rien qui pût ébranler en elle l'idée du devoir. Plus tard, un changement notable était survenu dans les manières de la jeune concierge galloise. Les regards qu'elle jeta à Éléanore quand celle-ci venait à passer devant la lodge n'étaient plus, à beaucoup près, aussi hostiles, aussi abattus. Il s'y peignait une sorte d'insolence gaie, de méprisante compassion. Oisive tout le long du jour et fière de ses beaux cheveux noirs, qu'elle nouait sous un mouchoir aux couleurs éclatantes. On la voyait suivre, d'un œil distrait, les travaux du jardinier qui, par ordre de Sir Stephen, soignait les plates-bandes d'un parterre dessiné autour de l'élégant pavillon où elle était établie. Une vieille femme du village voisin venait chaque jour la suppléer dans tous les détails intérieurs du ménage. C'était ou cette vieille femme ou le jardinier qui ouvrait, devant Eleanor, la grille de l'avenue, soin servile auquel ni Bridget ni son fils ne voulaient plus bien évidemment s'abaisser. Et cependant Eleanor, luttant contre ses propres convictions, écartait encore tout soupçon injurieux pour elle et pour son mari. Un jour enfin, Eleanor, arrivée de Londres la veille au soir, surprit Bridget assise sous le porche de son joli cottage et tenant dans ses bras un enfant nouveau-né. Ce pouvait être celui de quelque femme du village confiée par sa mère malade aux soins de Bridget. Cependant, Eleanor, à mesure qu'elle approchait de la lodge, sentait son cœur se serrer de plus en plus. Bridget s'est élevée et la regardait venir. « À qui cet enfant ?» lui demanda Lady Penrhyn. Un instant de silence suivit cette embarrassante question, mais la réponse, pour s'être fait attendre, n'en fut pas moins audacieuse. « Il est à moi !» répliqua froidement Bridget Owen, la prétendue femme du transporté. Et son regard rassuré ajoutait clairement « Demandez-moi maintenant, si vous l'osez, qui est son père ?» Puis elle rentra chez elle sans refermer la porte, sûre d'avoir placé entre elle et sa maîtresse une barrière désormais infranchissable. Cette scène bizarre avait eu trois témoins. Le fils aîné de Bridget, appuyé contre une barrière, et qui, dans ce moment, l'œil animé d'une joie malicieuse, ressemblait plus que jamais à Frédéric. Le jardinier du château, dissimulant sous un air affairé sa gaieté narquoise. Enfin, ce domestique, le vieux Sandy, qui du service de Sir John Raymond était passé à celui de David Stuart, puis à celui de Sir Stephen, sur les instants de prière d'Eleanor. Ce dernier seul eut pitié d'elle, se baissant à demi pour détacher sa robe de mousseline qu'un buisson épineux allait déchirer. « Que voulez-vous, milady ?» lui dit-il à mi-voix. « Nous avons tous notre croix à porter. » 8 années s'étaient écoulées depuis le mariage d'Eleanor. Ses enfants grandissaient. On parlait déjà de les séparer d'elle. Ne leur donnait-elle pas, au gré de Lady Macfarren, chez laquelle la famille était alors établie, une éducation trop délicate, trop efféminée? Sir Stephen partageait l'opinion de sa sœur. Vainement, Eleanor remontrait-elle à ce maître despotique qu'élevé comme elle l'avait été, on pouvait, tout au moins pour quelques années de plus, lui confier l'instruction de Clefan, l'héritier du nom, cet enfant si pâle, d'une santé si frêle, vraie fleur de serre chaude qu'un souffle de l'hiver pouvait tuer. Depuis longtemps, Sir Stephen, dépourvu d'autorité morale sur une femme dont il comprenait vaguement la supériorité, s'en dédommageait par une tyrannie de fait, inflexible dans ses caprices, mesquine dans ses tracasseries. Il était évident que cette fois, plus que jamais, il allait tenir à la faire prévaloir. Mais le ciel, dans ses décrets mystérieux, en avait décidé autrement. Un matin, Sir Stephen, en dépit d'Eleanor, partant pour une des fermes qu'il avait dans la montagne, voulut emmener ses deux enfants avec lui. La mère, inquiète, demandait qu'on lui laissât au moins Clefan. Il y avait si loin de Glencarrick à la ferme de Donald Macpherson. En vain, supplia-t-elle, le maître avait parlé. Les enfants partirent joyeux, Clefan sur son poney des Highlands, comme le plus faible et le plus vite fatigué des deux. Son père et son frère étaient à pied. La journée parut bien longue à Eleanor. Le soir arriva, les ténèbres se firent, les promeneurs ne revenaient pas. Ce qui s'était passé, le voici. Attardé par quelques incidents inattendus, Sir Stephen dut prendre, pour entrer à Glencarrick, la route la plus directe, qui l'obligeait à traverser un lac peu fréquenté des voyageurs. Ce jour-là, le vieux passeur, qui ne s'était pas servi depuis longtemps de son embarcation, vieille comme lui, aurait bien voulu l'essayer en la mouillant avant de s'éloigner du bord. Mais Sir Stephen était pressé. Il n'entendit pas au moindre retard. On démarra donc, avec peu de vent dans la petite voile, et ce vent n'était pas favorable. À mi-chemin, la marche du bateau se ralentit. Il n'obéissait plus à la rame maniée cependant par deux bras vigoureux. Sir Stephen, déjà un peu inquiet, veut constater la voie d'eau. Il soulève une planche. Cette planche, à moitié pourrie, se brise entre ses mains crispées. Il regarde. L'eau se fait jour par 1000 fissures imperceptibles, contre un vainement fermé. Le vieux passeur, à cette vue, devient pâle et ses dents claquent déjà de frayeur. 1,5 milles sépare la barque du rivage. Avant 5 minutes, elle aura sombré. Excellent nageur, Sir Stephen dépouille en hâte ses vêtements. Seul, il rirait du danger. Mais comment sauver ses enfants qui tous deux tiennent sur lui leurs yeux hagards? Tous deux attendent. Lequel choisira-t-il? Cléphan, le doux et dévoué Cléphan, a compris l'anxiété paternelle. L'esprit de sa mère vit en lui. « Sauvez Frédéric, » dit-il à son père. « Le batelier se chargera de moi. » Sir Stephen hésite, mais un cri déchirant lui fait tourner la tête et Frédéric, obéissant à l'irrésistible élan de la peur, se jette à son cou. Frédéric, l'enfant bien-aimé. En un tour de main, son père le déchausse et le jette tout habillé sur ses épaules nues. Tandis qu'il s'éloigne, une voix arrive à leurs oreilles. Ce n'est plus le cri d'angoisse que Frédéric poussait tout à l'heure, mais une prière plaintive et résignée. « Notre père, qui êtes aux cieux ?» disait Cléphane au moment où la barque sombra. Ni le vieux batelier ni lui n'abordèrent vivants au rivage. 20 fois Sir Stephen désespéra de lui-même et de Frédéric, dont les étreintes convulsives lui coupaient la respiration et dont le poids l'accablait de plus en plus. Cependant, de minute en minute, il distingue plus nettement la rive du lac, ses arbres, ses chaumières. Leurs habitants l'ont vu. Ils sont accourus au bord de l'eau, ils attendent. Mais ses forces vont-elles le trahir? Qui sera vainqueur? La mort ou lui? Les petites mains de Frédéric ont heureusement cessé de presser son cou haletant. Il ne sent plus les baisers du pauvre enfant sur sa chevelure mouillée. Un dernier effort, et le frère de Cléphane peut être sauvé. Cet effort suprême, Sir Stephen l'aura vainement demandé à ses muscles athlétiques. Il arrive, épuisé, à demi-mort, sur la grève, où il demeure gisant et sans connaissance. On le relève, on lui rend peu à peu la vie. Il ouvre les yeux. Frédéric est là, couché près de lui. Mais Frédéric n'a pas rouvert ses beaux yeux noirs. Frédéric est allé rejoindre Cléphane. Éléanor n'a plus d'enfant. Morts tous deux, morts comme David Stewart. Comment ne les suivit-elle pas? Et quels étranges trésors de faculté vitale Dieu ne met-il pas au fond des âmes qu'il veut éprouver par la douleur? Éléanor survécut à ce coup terrible, mais comme une mère peut y survivre, débris d'elle-même, être désormais passif, portant avec indifférence le poids d'une existence sans intérêt et sans but. Après les premières étreintes d'un désespoir violent comme lui, Sir Stephen avait mieux repris à la vie. Aussi bien lui restait-il, à défaut de cette femme qu'on pouvait dire morte, à défaut de ses deux enfants victimes de son imprudence, des objets à chérir, des êtres dont il était l'espérance et l'appui. Un soir d'automne, en revenant de sa promenade quotidienne à travers les bois, Éléanor s'arrêta, fatiguée, auprès de la lodge. Ses pas légers n'avaient point trahi son approche. Un bruit de voix attira son attention. Un regard oblique qu'elle jeta sur l'intérieur du pavillon habité par Bridget Owen lui montra cette jeune femme assise auprès de Sir Stephen, qui lui avait pris la main et qui pleurait en lui parlant. Tout à coup, il s'interrompit, repoussa la main de Bridget et saisi d'une espèce de désespoir, s'abandonna sans contrainte au douloureux souvenir qui l'oppressait. Muette jusqu'alors, Bridget se prit à pleurer aussi et se précipitant vers son amant dont elle baisait avec énergie la tête frémissante. « Croyez-vous donc, » lui dit-elle à voix haute, « croyez-vous que je ne partage pas votre chagrin? Croyez-vous que je ne plaigne point leur mère, la mère de ce Frédéric qui vous tient si fort au cœur? Pensez-vous que pour appeler la vie ce pauvre innocent agneau, je ne donnerais pas une coupe pleine de mon sang? Oui. » Trompé comme je l'étais par vous, je donnerais pour vous le rendre jusqu'à mon anneau de mariage, si j'en avais un. » Cédant alors à la contagion passionnée de ses paroles, Sir Stephen attira Bridget sur son cœur, et là, tandis qu'il la tenait étroitement pressée contre lui, « Je voudrais, lui disait-il, n'avoir jamais eu cet enfant que tu m'as vu tant pleurer. Je voudrais, chère fille, n'avoir jamais possédé que toi et les gages de ton amour. » Éléanor entendit ces paroles. Elle entendit Sir Stephen regretter de ne pouvoir donner son nom à cette femme qu'il tenait alors dans ses bras. Elle entendit tout cela sans éprouver d'autre sentiment qu'une crainte misérable d'être surprise écoutant ses adultères aveux, quelque chose comme la pénible impression d'un mauvais rêve, et plus tard, l'amertume de ne plus compter ici-bas que comme un obstacle, une entrave, un remords. L'isolement d'ailleurs se faisait autour d'elle. Lady Raymond était morte, une jeune indienne, esclave volontaire dont le dévouement pour Éléanor tenait du fanatisme propre à cette race si étrangement douée, venait de mourir aussi, minée par le regret des deux enfants confiés à ses soins. Lady Margaret était depuis quelque temps en Italie, auprès de la duchesse douairière de Lanark, jusqu'à Godfrey Marsden, dont la rude affection faisait faute en ce moment à sa triste sœur, et qui naviguait au loin sur le vaisseau dont elle lui avait fait obtenir le commandement. En face de cette solitude, de cet abandon, s'étalait, dans sa pompe égoïste et ridicule, Tabitha Christison, Tib, comme on appelait naguère la vieille fille, mais elle ne voulait plus que son mari lui-même l'appelât ainsi, l'orgueilleuse créature au long projet ambitieux, sourdement couvé, savamment mené à terme. À force de soins, de patiente abnégation, d'habile tactique, Tib avait conquis sa proie. Au grand désespoir de Lady Macfarlane, elle était comtesse de Peebles. Elle avait pris son essor dans ce monde patricien, où jusqu'alors on l'avait traitée en véritable comparse, en garde malade, d'un vieux célibataire goûteux. Tib maintenant appliquait sa politique, son machiavélisme à écarter d'elle les humbles amis de sa première fortune, à s'égaler aux plus superbes, à rivaliser avec les plus riches, et le monde, dompté par cette persévérance, par cette égoïste sagacité, par ses efforts de chaque heure et de chaque minute, à porter aux pieds de Tib, de cette vieille pédante aux traits disgracieux, à l'accent vulgaire, les hommages et les soins qui manquaient à la silencieuse douleur d'une femme jeune et charmante, aux angoisses d'un cœur noble entre tous. Ces angoisses, à la longue, s'étaient transformées en une espèce de paralysie morale, d'irrémédiable apathie qui peu à peu retranchait Eleanor du nombre des vrais vivants. Son œuvre était finie, comme celle d'Othello, après la fatale vengeance. Les sources où l'âme se retrempe étaient arides pour elle, et des mois, des années, pouvaient s'écouler ainsi sans amener plus de changement à cette morne et muette désespérance qu'à l'état du cadavre conservé sous les neiges de l'avalanche alpestre. Ce fut alors, par une mélancolique soirée d'octobre, au fond d'un petit appartement de Penrhyn Castle, où elle vivait confinée, que ce vieux domestique dont nous avons parlé, Sandy, l'ancien serviteur de David Stewart, vint tout ému, pâle, les yeux brillants d'un feu singulier, lui apporter une lettre arrivant d'Amérique et qu'un étranger, disait-il, lui avait remise un moment auparavant pour Lady Penrhyn. Au premier coup d'œil jeté sur l'adresse, Eleanor pâlit et se sentit sur le point de se trouver mal. Cette adresse était de la main même de David Stewart.